Back to basics, ¿ya? Escucha esto. Se lo gotó desde original, ¿eh? Origen beat. Y CO2, ¿ya? ¿Eh? WhatsApp. Tu escucha. Worldwide, ¿ya? Worldwide, ¿eh? Playa eres herramienta en otro par. Même au point de départ, je prends soin de pas être en retard. Ciao, connard, salut ta pute, merde de ma part. Dis-toi que peut-être on va se revoir au dernier rempart. Pas besoin de tous ces cafards qui critiquent mon art. Sans prix ni costard, des rimes pleins à mon bazar. Je trace ma route sur cette terre au hasard. Mais pas mes amis, des chiens, des loups, des renards. La vie est une fable où les faibles se font avoir. Va te faire voir si t'es pas mon répertoire. L'auditoire délimite la frontière de mon territoire. Le guichet affiche complet ce soir, tout ça pour voir. Un DJ, deux MC, un mic sur un fond noir, sur un trottoir, renommé et gloire, remplacé par l'amour d'une famille à moi. C'est là où j'ai mis la foi, je le répète 1000 fois. Si t'es pas prêt pour accepter le programme, si ton attention n'est pas forcée pour chauffer la flamme, mes balles sont prêtes pour te défoncer ton crâne. Ta haine n'est pas forte pour m'inciter à la calme, boy. Si t'es pas prêt pour accepter le programme, si ton attention n'est pas forcée pour chauffer la flamme, mes balles sont prêtes pour te défoncer ton crâne. Ta haine n'est pas forte pour m'inciter à la calme, boy. Tu odio barato, no me interesa. Aquí se habla de MC con su destreza. El papi es de nacional por el planeta. Idiomas con sus colores se respetan. Vigo pa' todo hispano allá en Suecia. De España hasta Panamá está la escena. El sur de Chile, Santiago se conectan. Contra tu odio mi rap se manifiesta. Le dimos vuelta al mundo y tú ahí quieto. Salimos envuelto en humo y tú ahí quieto. Sobre un beat bien chulo yo me muevo inquieto. En dos idiomas, 3, 4, chequeate esto. Si no está listo porque no estaba previsto, descábate del piso y únete, te lo insisto. 2008 se graba este disco, 40 grados de pico. No seas arisco, a este coro pégale un mordisco. Si te pa' mal pour accepter le programme, si ton attention n'est pas forcée pour chauffer la flamme, mes balles sont prêtes pour te défoncer ton crâne. Ta haine n'est pas forte pour m'inciter à la calme, boy. Si t'es pas prêt pour accepter le programme, si ton attention n'est pas forcée pour chauffer la flamme, mes balles sont prêtes pour te défoncer ton crâne. Ta haine n'est pas forte pour m'inciter à la calme, boy. Je suis un peu sin fe, mi nombre no, no se escribe con C, no. No se paga mi sed, trato a mis mayores de usted. Tengo público a mi merced. Yo soy el hombre sin fe. Mi nombre no, no se escribe con C. No, no se paga mi sed, trato a mis mayores de usted. Tengo